au bout de la rue, de la rue. La plage est blanche, je vais bientôt quitter la ville. Ce grand voilier, voilier, qui joue des hanches, va m'emmener loin dans une île. Au bout de la rue, le feu est rouge, on ne voit pas la moindre tôle. Près d'une fenêtre, une ombre bouge, une main referme le rideau. Au bout de la rue, le ciel est rose, rien ne sera plus comme avant, plus de névrose, plus de morose. Derrière le mur, la mer m'attend. Au bout de la rue, un nuage passe qui parle de port et de partir. Une affiche sur le mur, sur le mur. Le mur d'en face parle de mort et de martyr. Au bout de la rue, je vois du mauve, des taches noires indéfinies. Encore, encore, un rêve qui se sauve, encore une nuit qui finit. Au bout de la rue, de la rue, le ciel se ferme, je ne vois plus le grand voilier. Petit à petit, je discerne de l'île à porte entrebâillée. Il est 9h, il faut se lever, faut se réveiller, faut s'habiller, faut oublier.